et la Somme se sont épousés dans une belle vallée aujourd'hui polluée par 400 000 Lyonnais. Les centrales nucléaires ont gagné du terrain parce que pendant la guerre, ils ont brûlé le moulin pour venger le Jésus qu'ils avaient suspendu à un crochet de boucherie sur le quai de la pêcherie. Ici, de grandes lumières ont inventé l'arroseur arrosé, adapté au ciné, et pour fêter le succès de la rosette au rosé, puis de l'andouillette grillée sur un tapis de fusée. Bienvenue dans le 69, capitale de la Gaule. C'est pas tant qu'il y a de la meuf, mais proscrit la pignole. Depuis que les cons ont inventé, le qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Le qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Le qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Le qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais.